Canal Plus gratuit et le confinement m'ont au moins permis de voir le dernier méfait aquatique d'Alexandre Aja, Crawl. J'étais déjà hypé par les gars de chez VHS, alors je suis parti conquis d'avance, mais sans rien savoir du film si ce n'est le pitch de base, à savoir des crocos qui envahissent un quartier résidentiel. Très vite, on se retrouve happé dans ce sous-sol sombre, peu à peu inondé, où se sont retrouvés piégés nos deux protagonistes par deux sournois ou alligators. Pourtant, dans ma petite tête, je ne m'attendais pas à un huis clos aussi tendu, et je suis tombé dans le panneau à chaque tentative de nous faire sortir de cette maison. Car le réalisateur joue à merveille avec la tension et nos attentes. Concernant les pics que sont les attaques des bestioles, ça marche extrêmement bien. La tension est palpable et quand l'attaque surgit, c'est violent et sauvage à souhait. Honnêtement, c'est une série B très efficace qui ne tombe jamais dans les pièges habituels de ce genre de prod. Scénario simple et efficace, effets physiques impeccables, durée honnête et rythme maîtrisé. Et pas de double ou triple climax, voire des conclusions alambiquées. Un bon film assurément, parfait pour une soirée à la cool et se rappeler qu'il n'y a pas que les requins dans la vie aquatique.